Quatrième chapitre, la courtisane sacrée. Dans une étude sur la mauvaise vie pendant la guerre, un des médecins de la préfecture de police, le docteur Bizarre, nous apprend que c'est dans une maison de prostitution qu'il fit la connaissance de la fameuse Mata Hari, qui devait longtemps après être condamnée à mort pour espionnage. Mais l'illustre praticien ne nous dit pas si la ballerine se trouvait dans cette maison en qualité de pensionnaire ou de cliente, et c'est tant mieux, car il y aura ainsi dans ce coin obscur de l'existence de la danseuse un peu de mystère pour la sauver de la probable ignominie de la réalité. Nous ne saurions en effet nous étonner de la voir comme visiteuse dans un de ces temples de l'amour vénal, à cause, penserez-vous, de son tempérament de pécheresse souvent lassée, jamais rassasiée, que non pas, à cause de son désir de cultiver l'amour comme un art très subtil et très compliqué. Ou mieux encore, comme une science secrète qui a besoin de laboratoires propices aux essais in anima vili. Mata Hari ne peut pas réellement se contenter dans l'exercice de son ministère des stratagèmes instinctifs que toutes les étaïres, même sans avoir lu Ovide, savent mettre en pratique pour retenir leurs amants. Rien en elle de léger, de frivole, de coquet à la manière parisienne, rien qui fasse penser à la poupée voluptueuse avec laquelle les hommes jouent une nuit ou une semaine ou un an ou toute une vie et dont l'unique ambition est d'être adulé, cajolé et paré par les mains généreuses de son maître. Rien en elle d'inconscient, ni les rires ni les larmes, ni les perfidies, ni les pamoisons, ni les cris sauvages de plaisir. Convaincue peut-être, quand son être palpite l'âme réincarnée d'une bayadère, de ces antiques pagodes hindoues où se célébraient les 64 rites de la luxure, elle se consacre à la culture de ses relations intimes avec autant de zèle qu'à la pratique de ses danses. Tous les filtres, toutes les amulettes, toutes les incantations, toutes les théurgies de l'amour, elle les étudie, elle les connaît à fond, elle s'en sert. Vous souriez en entendant cela, comme quand une gitane vous parle des recettes pour rendre votre maîtresse fidèle? Le résultat des méthodes de Mata Hari est pourtant de ce qui, si sceptiques soyons-nous, doit nous forcer à considérer avec une inquiétude curieuse et modeste les phénomènes de l'inexplicable. Tous les savants de notre époque ne sont-ils pas attachés à surveiller les effluves des bouches médiumniques pour tâcher d'en voir sortir les émanations vitales de l'ectoplasme? La réalité de l'hypnotisme, de l'autosuggestion et de la télépathie n'est-elle pas devenue un dogme scientifique? Récemment, le docteur Lomonier, qui s'est consacré à étudier les vertus des gemmes, nous assurait que ce que la Kabbale dit au sujet du pouvoir miraculeux des émeraudes, des saphirs et des perles est en grande partie expérimentalement exact. Pourquoi donc nous moquer de la science occulte de l'amour? Quand Caligula, effrayé de sa propre idolâtrie pour Césonia flétrie, réunit ses conseillers pour leur demander s'il ne conviendrait pas de mettre cette femme sur le chevalet de torture afin de lui faire avouer quelle sorcellerie elle emploie pour asservir les hommes. Il ne déraisonne pas autant que Suétone se le figure. Il existe, à n'en pas douter, une magie érotique dont, seuls en Europe, les gitanes semblent connaître encore quelques rudiments, mais qui, chez les lointains peuples orientaux, conserve toujours ses dévots et ses sanctuaires. Cette magie, faite de filtres enivrants, de parfums secrets, de caresses innombrables, de suggestions infinies, de peurs obscures, de curiosités jamais satisfaites, de périls constants, de délires cruels, cette magie à laquelle on s'initiait aux Indes dans les sombres temples de Shiva et en Syrie sur les autels d'Astarté, Cette magie qui est à la fois idéale et bestiale, spirituelle et vénale, et qui, parfois, en ses détails, ne semble qu'un jeu inoffensif de puérilités inexplicables. Cette magie que le Moyen-Âge chrétien imprégna d'inutile diabolisme par les grotesques orgies de ses messes noires, mais qui, en Orient, a conservé sa fraîcheur de communion du plaisir et d'exaltation de la possession. Cette magie dont les éléments primordiaux se trouvent dans toutes les âmes passionnées et qui n'est en somme que le développement intensif ou la floraison monstrueuse des désirs de notre chair, de nos sens, de notre instinct conquérant, de notre luxure dominatrice, Mata Hari l'étudie fervemment, non point comme les éphèbes dilettants qui, dans les cénacles d'Oxford, commentent, en se caressant les mains, les secrets voluptueux du Premsagar ou du Gita Govinda, mais avec la constance clairvoyante du prêtre qui sait qu'il doit vivre de l'autel. Dans la bibliothèque qu'à son départ pour l'Espagne elle abandonne en son hôtel de Neuilly et qui se trouve à présent éparse en force collection de bibliophiles, il y avait, dit-on, des traductions allemandes, anglaises et françaises des livres sanscrits relatifs à l'amour. Toutes ces traductions, écrit quelqu'un qui les a vues, sont bourrées de notes marginales, écrites de cette écriture haute et étroite qui dénote tant d'énergie. J'ai obtenu que le docteur Striberg, qui possède quelques-unes de ses œuvres, me prête la plus caractéristique de toutes, celle qui montre le mieux la nature des préoccupations de son ancienne propriétaire, celle qu'on peut, sans exagération, considérer comme la Bible de l'érotisme oriental. Je veux parler du fameux Kama Sutra, que les hindous conservèrent caché durant de longs siècles dans les collèges des bayadères sacrés, et que les Anglais ont profané en le laissant traduire dans toutes les langues européennes. L'exemplaire de la danseuse est relié en dama pourpre et porte au dos une couronne de prince. Cadeau de quelque noble protecteur qui connaissait ses goûts? Rien en ces pages n'indique son origine. Pas de note marginale non plus. Mais de loin en loin, un profond sillon, creusé avec une épingle ou avec l'ongle, signale des passages paraissant avoir attiré l'attention de la femme qui y cherche les secrets de la luxure brahmanique. Et ils sont si suggestifs, ces passages, ils s'ajustent tellement bien à la confuse image que nous nous faisons de cette créature capricieuse et fantasque, variable et hautaine, avide de sensations rares et malades, de cupidité dévoratrice. Il semble si imprégné de sa luxure et de sa vanité qu'en les lisant à présent, après avoir vu la trace indélébile que ses baisers laissent sur les lèvres de ses amants, je me figure écouter la plus intime et la plus sincère de ses confessions. Voici par exemple dans le chapitre intitulé « Des mobiles qui doivent guider les courtisanes » les phrases que sa griffe légère souligne. « Quand une courtisane aime l'homme auquel elle se livre, ses actes sont naturels. Quand au contraire, elle n'a en vue que l'intérêt, ils sont artificiels. Mais dans ce dernier cas, ils doivent paraître sincères, car l'homme n'a de confiance qu'en la femme qui semble l'aimer. Les hommes qu'on ne doit accepter que pour leur argent sont les tout jeunes gens qui se trouvent en possession d'un héritage, les hauts fonctionnaires, ceux qui jouissent de la faveur des souverains, ceux qui se montrent vaniteux de leurs richesses, les héros, etc. Elle doit aussi rechercher pour la satisfaction de son amour-propre et sans intérêt les savants, les artistes, les devins, etc. La courtisane doit toujours se montrer belle et aimable et porter en son corps les signes de son augure. Elle doit estimer les belles qualités chez les hommes sans jamais cesser pour cela de poursuivre la fortune. Elle doit se complaire aux unions sexuelles et être dans chaque cas de la caste de l'homme qui la possède. Elle doit s'efforcer sans trêve ni répit d'augmenter le trésor de son expérience et de ses talents en se montrant toujours généreuse et amie des plaisirs et des arts. Dans un autre chapitre, où Vatsyayana enseigne à la Bayadère la façon de se conduire au lit, les passages soulignés sont les suivants. Pour captiver son amant, la courtisane doit témoigner la plus vive admiration pour sa science en matière de caresses et pour sa manière de la faire se pâmer. Couchée avec lui, elle se montrera toujours disposée à tout. Elle caressera toutes les parties de son corps. Elle le baisera quand il sera endormi. Elle le contemplera avec une inquiétude apparente. Après la première visite, elle l'incitera à célébrer avec elle quelques rites. La femme doit fleurer le lotus, les fleurs, le vin, la marée, et elle doit avoir goût à Bethel. Puis, en feuilletant au hasard, je lis des choses dans le genre « Pour que tout son être t'appartienne, fais-lui absorber un filtre composé de poivre shaba, de racines d'ushala, de graines de sansevieria et de roxburghiana, de jus de kshiria et de branches de shadavanstra. Pour plaire, observe les conseils de l'Atharvaveda. Vous me direz sans doute qu'il n'y a rien en tout cela qui ne soit aussi ingénu que les préceptes de l'Arsa Mandi ou que les recettes des filtres galants. Il est bien possible que vous n'ayez pas tort, mais remarquez, je vous prie, que la seule chose que je prétende découvrir en cette ardente volonté de trouver la clé des arcanes amoureux, c'est la foi absolue et aveugle de la Bayadère en la réalité de la science érotique qu'enseignent les livres orientaux. Et le pouvoir de la foi est si profond en semblable matière que nous n'avons pas le droit de mettre en doute que c'est grâce à ce qui se peut apprendre dans les livres secrets d'Orient et dans les écoles pratiques de luxure d'Occident que Mata Hari est devenue une véritable ensorceleuse d'amour. Sinon, comment expliquer son pouvoir de séduction, sa domination absolue sur les hommes qui savourent ses caresses, sa griffe que rien n'arrache de la poitrine de ceux qui ont une fois pénétré dans son lit? Et tenez compte que ses victimes ne sont pas toujours des officiers naïfs, ni de vaniteux clubmans habitués des foyers de théâtre, ni de riches banquiers avides de sensations exotiques. Au cours de son procès, elle-même a avoué que chaque fois qu'un homme lui a convenu ou lui a plu, ses raies ont été assez subtiles pour le capturer d'abord et ensuite assez puissants pour le retenir longtemps prisonnier. Parmi ces hommes figurent un des avocats les plus illustres d'Europe, un ambassadeur, un ministre de la guerre, un président de conseil des ministres, un prince impérial, un grand-duc, un glorieux artiste, et d'autres, tant d'autres qu'on n'a pas désignés et qui soupirent encore en pensant aux nuits terribles ou sublimes passées dans les bras de la courtisane de Shiva, enivrées d'étranges parfums, de caresses jamais avant ressenties, de baisers cruels, d'exaltations délirantes. Dans la maison de prostitution où l'a rencontré le docteur Bizarre, les pensionnaires elles-mêmes disent, peut-être après avoir passé par le lit de la danseuse, « Cet hindou, c'est le diable. » Il doit y avoir quelque chose d'infernal, de mystérieux, de magique en effet, dans les lèvres de la Bayadère pour qu'elle arrive ainsi à ensorceler littéralement ceux qui l'approchent. Car au témoignage de tous ceux qui la voient de très près au moment de sa grande gloire, sa beauté n'offre rien d'extraordinaire. Elle est sans doute une belle fille, quoique plus très jeune, quoique aux traits trop accentués, quoique à la poitrine flétrie, mais toujours svelte, toujours décorative, toujours élégante, et jouissant toujours du prestige de son art et de son exotisme. De plus belle qu'elle, il en est beaucoup sans doute, de séduisante comme elle, de capable comme elle de convertir les hommes en esclaves, il n'en est aucune. Ceux qui l'aiment l'avouent, humiliés et contrits. Et si les juges et les moralistes ne réussissent pas à s'expliquer un tel empire, c'est qu'en leur aveuglement d'hommes positifs, ils ne veulent pas se rendre compte qu'il existe peut-être un sortilège, un enchantement, un art magique en somme, qui confère à certaines créatures humaines le pouvoir miraculeux, en partie appris et en partie inné, d'absorber la volonté des êtres qui se laissent entraîner dans leurs antres.